بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. تبت يدا أبي لهب وتب. Kaboula ab peris. Et certes, sa perte est irrémédiable. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. سيصلى نارا ذات لهب. Il brûlera dans un feu aux flammes ardentes. وامرأته حمالة الحطب. Ainsi que sa femme, la porteuse de bois à combustion. في جيدها حبل من مسد. Une corde de fibre à son cou.